et grand feuilleton de France Culture. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupréyé et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 25e épisode, étrange retrouvaille. De retour à Paris, après quelques jours passés au Tréport en compagnie de sa mère, Albert de Morcerf réserve sa première visite au comte de Monte Cristo et l'invite à un bal que donnent ses parents. C'est l'occasion pour le jeune homme d'affirmer une fois de plus le peu d'empressement qu'il éprouve à épouser Eugénie Danglars, la fille du banquier. En même temps, Albert demande au comte de transmettre l'invitation à Andrea Cavalcanti pour le bal. Mais Monte Cristo se fait un peu réticent à l'égard du jeune Italien, sans pour autant l'expliquer. Nous avons appris depuis peu que sous le nom d'Andrea Cavalcanti se cache Benedetto, l'enfant adultérin de la baronne Danglars et de Gérard de Villefort. D'autre part, le procureur du roi, intrigué par la personnalité mystérieuse de Monte Cristo, a interrogé sur ce dernier l'abbé Busoni et Lord Wilmore. Il ignorait, bien sûr, que ces deux respectables personnages n'étaient qu'une seule et même personne habilement déguisée, Monte Cristo lui-même. 20 juin 1838, chez le comte et la comtesse de Morcerf, la soirée bat son plein, et c'est à ce moment que Monte Cristo fait son apparition. Ah, cher comte, avez-vous vu ma mère ? Je viens d'avoir l'honneur de la saluer. Mais je n'ai point aperçu votre père. Oh, n'est pas loin. Tenez, il cause politique là-bas dans ce petit groupe de grandes célébrités. En vérité, ces messieurs sont des célébrités ? Assurément. Dans quel genre ? Il y a d'abord un savant, ce grand monsieur Sec. Il a découvert dans la campagne de Rome une espèce de lézard qui a une vertèbre de plus que les autres. Il est revenu faire part à l'Institut de cette découverte. La vertèbre a fait beaucoup de bruit dans le monde savant. Le grand monsieur Sec n'était que chevalier de la Légion d'honneur. On l'a nommé officier. À la bonne heure. Alors s'il trouve une seconde vertèbre, on le fera commandeur. C'est probable. Et cet autre qui a eu la singulière idée de s'affubler d'un habit bleu brodé de vert? Ce n'est pas lui qui a eu l'idée de s'affubler de cet habit. C'est la République qui, voulant donner un uniforme aux académiciens, a prié David de leur dessiner un habit. Ah, ainsi ce monsieur est académicien. Depuis 8 jours. Et quel est son mérite? Sa spécialité? Je crois qu'il enfonce des épingles dans la tête des lapins, qu'il fait manger de la garance aux poules, et qu'il repousse avec des baleines la moelle épinière des chiens. Et il est de l'Académie des sciences pour cela? Non, de l'Académie française. Ah, oui, bien. Mais qu'allons-nous faire l'Académie française là-dedans? Il paraît qu'il écrit en fort bon style. Et cet autre, à l'habit bleu barbeau? C'est un collègue de mon père qui vient de s'opposer le plus chaudement à ce que la Chambre des pairs ait un uniforme. Il a eu un grand succès de tribune à ce propos-là. Il était mal avec les gazettes libérales, mais sa noble opposition au désir de la cour vient de le raccommoder avec elle. On parle de le nommer ambassadeur. Oh. Et quels sont ses titres à la pairie? Il a fait 2 ou 3 opéras comiques, pris 4 ou 5 actions du journal Le Siècle et voté durant 5 ou 6 ans pour le ministère. Bravo. Vicomte, vous êtes un charmant cicérone. Merci. Monsieur le baron Danglars, je vous présente mes respects. Pourquoi m'appelez-vous baron ? Vous savez bien que je ne tiens pas à mon titre. Ce n'est pas comme vous, vicomte. Vous y tenez, vous, Morcerf, n'est-ce pas ? Certainement. Attendu que si je n'étais pas vicomte, je ne serais plus rien. Tandis que vous, vous pouvez sacrifier votre titre de baron, vous resterez encore millionnaire. Ce qui me paraît le plus beau titre sous la royauté de Juillet. Et oui, malheureusement, on n'est pas millionnaire à vie comme on est baron, pair de France ou académicien. Témoin les millionnaires Franck et Pullman de Francfort qui viennent de faire banqueroute. Vraiment ? Puisque vous allez parler affaires, souffrez que je vous abandonne à moi-même. Franck et Pullman ? Oui, j'en ai reçu la nouvelle ce soir par un courrier. J'avais quelque chose comme 1 million chez eux. Mais averti à temps, j'en ai exigé le remboursement voici 8 jours. Ah, mon Dieu ! Ils ont tiré sur moi pour 200 000 francs. Oh. Eh bien, vous voilà prévenu. Leur signature vaut 5%. Oui, mais prévenu trop tard. J'ai fait honneur à leur signature. Oh, eh bien. Eh bien, voilà 200 000 francs qui sont allés rejoindre... Chut, ne parlez pas de ces choses-là. Surtout devant M. Cavalcanti, fils. Le voilà qui vient vers nous. Ah, cher vicomte, je vous cherchais justement. Il faut que je vous raconte... Albert, avez-vous remarqué une chose ? Laquelle, ma mère ? C'est que le comte de Monte Cristo n'a jamais voulu accepter de dîner chez Monsieur de Morcerf. Oui, mais il a accepté de dîner chez moi, puisque c'est par ce déjeuner qu'il a fait son entrée dans le monde. Chez vous, ce n'est pas chez votre père. Et depuis qu'il est ici, je l'examine... Eh bien ? Il n'a encore rien pris. Le comte est très sobre. Mais en quoi cela peut-il vous préoccuper ? Vous le savez, Albert, les femmes sont singulières. J'aurais vu avec plaisir le comte prendre quelque chose chez moi, ne fût-ce qu'un grain de grenade. Ah, décidément, il faut que je sache à quoi m'en tenir. N'enchaînez pas ces messieurs ici, voulez-vous ? Ah, madame, nous n'irons pas seuls au jardin. Soit. Je vais donc donner l'exemple. Monsieur de Monte Cristo ? Madame ? Faites-moi l'honneur de m'offrir votre bras. Madame, tout l'honneur est pour moi. Il faisait trop chaud dans le salon, n'est-ce pas, comte ? Oui, madame. Est-il vrai que vous ayez tant vu, tant voyagé, tant souffert ? J'ai beaucoup souffert. Oui, madame. Mais vous êtes heureux maintenant ? Personne ne m'entend me plaindre. N'êtes-vous pas marié ? Qui a pu vous dire cela ? On vous a vu conduire à l'opéra une jeune et belle personne. C'est une esclave que j'ai achetée à Constantinople, une fille de prince, dont j'ai fait ma fille n'ayant pas d'autre affection au monde. Vous n'avez pas de sœur, de fils, de père ? Je n'ai personne. Comment pouvez-vous vivre ainsi, sans rien qui vous attache à la vie ? Ce n'est pas ma faute, madame. À Malte, j'ai aimé une jeune fille et j'allais l'épouser quand la guerre est venue et m'a enlevé loin d'elle. J'avais cru qu'elle m'aimait assez pour m'attendre. Et quand je suis revenu, elle était mariée. Oui. Et cet amour vous est resté au cœur. On n'aime bien qu'une fois. Et avez-vous jamais revu cette femme ? Jamais. Et lui avez-vous pardonné ce qu'elle vous a fait souffrir ? À elle, oui. Mais vous haïssez toujours ceux qui vous ont séparé d'elle. Madame, je... Albert. Oh, ma mère, un grand malheur. Mon Dieu ! Monsieur de Villefort est venu chercher sa femme et sa fille Valentine. Madame la marquise de Saint-Méran est arrivée à Paris apportant la nouvelle que monsieur de Saint-Méran est mort en quittant Marseille au premier relais. Oh. Et qu'est le marquis de Saint-Méran à mademoiselle de Villefort? Son grand-père maternel. Il venait pour rater le mariage de France d'Épinay et de sa petite fille. Ah, vraiment? Et voilà le mariage de France retardé. Ah, pourquoi monsieur de Saint-Méran n'est-il pas aussi un aïeul de mademoiselle d'Anglard? Albert! Oh, comte, vous pour qui il a une si grande considération, dites-lui qu'il a mal parlé. Madame, je ne... Nous sommes amis, n'est-ce pas? Oh, votre ami, madame, je n'ai point cette prétention. Mais en tout cas, je suis votre bien respectueux serviteur. Merci. Excusez-moi. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord, ma mère et vous? Mais au contraire. Puisqu'elle vient de me dire devant vous que nous sommes amis. Oh, monsieur, quel malheur. J'en mourrais, moi aussi. J'en mourrais. Madame, racontez-moi comment cela s'est passé. Il y a 8 jours, nous montâmes ensemble en voiture après dîner. Monsieur de Saint-Méran était un peu souffrant depuis la veille. Cependant, l'idée de revoir notre chère Valentine le rendait courageux. Et malgré ses douleurs, il avait voulu partir. À 6 lieues de Marseille environ, il fut pris, après avoir mangé ses pastilles habituelles, d'un sommeil si profond qu'il ne me semblait pas naturel. Pourtant, j'hésitais à le réveiller. Bientôt, il poussa un cri sourd et déchirant comme celui d'un homme qui souffre en rêve et renversa d'un brusque mouvement sa tête en arrière. Je fis arrêter le postillon et appeler le valet de chambre. Mais tout était fini. Il était mort. Et ce fut avec son cadavre que j'arrivais à Aix. Et là, vous avez appelé un médecin? À l'instant. Mais il était trop tard, je vous l'ai dit. Au moins a-t-il pu reconnaître de quelle maladie le pauvre marquis était mort. Il paraît que c'est d'une apoplexie foudroyante. Et qu'avez-vous fait alors? Monsieur de Saint-Méran avait toujours dit que s'il mourait loin de Paris, il désirait que son corps fût mené dans le caveau de famille. Je l'ai donc fait mettre dans un cercueil de plomb. Et je le précède de quelques jours. Pauvre mère. Ne paraissons après un coup pareil, à votre âge. Dieu m'a donné la force jusqu'au bout. D'ailleurs, ce cher marquis, il eût certes fait pour moi ce que j'ai fait pour lui. Où est Valentine? C'est pour elle que nous revenions. Elle arrive, elle était en visite chez des amis avec ma femme où on l'a prévenue. Le lendemain, 21 juin 1838, dans la chambre de la marquise de Saint-Méran. Oh mon Dieu! Bonne maman, vous n'aviez pas cette fièvre hier soir. Souffrez-vous davantage? Non, ma fille. Mais j'attendais avec impatience que tu reviennes aujourd'hui. Nous avons à parler. Monsieur, il est question, m'avez-vous écrit, d'un mariage pour cet enfant? Oui, madame. Votre gendre s'appelle Franz d'Épinay. C'est bien le fils du général Canel, qui était des nôtres, et qui fut assassiné quelques jours avant que l'usurpateur revint de l'île d'Elbe. C'est cela même. Et cette alliance avec la petite fille d'un jacobin ne lui répugne pas? Nos dissensions civiles se sont heureusement éteintes. Franz d'Épinay était tout enfant à la mort de son père. Il connaît fort peu Monsieur Noirtier. C'est un parti sortable. Sous tous les rapports. Et le jeune homme jouit de la considération générale. Eh bien, monsieur, il faut vous hâter. Car j'ai peu de temps à vivre. Bonne maman. Je sais ce que je dis. Il faut donc vous hâter. Afin que n'ayant plus sa mère, Valentine ait au moins sa grand-mère pour bénir son mariage. Je suis la seule qui lui reste du côté de ma pauvre Renée, que vous avez si vite oubliée, monsieur. Une belle-mère n'est jamais une mère. Mais les convenances, le deuil tout récent. Moi aussi, ma fille. J'ai été mariée au lit de mort de ma mère et n'ai certes point été malheureuse pour cela. Encore cette idée de mort. Toujours. Je vais mourir, je le sais. Mais avant, je veux avoir vu mon gendre. Je veux lui ordonner de rendre ma petite fille heureuse. Je veux le connaître pour le venir trouver du fond de mon tombeau. S'il n'était pas ce qu'il faut qu'il soit. Madame, il faut éloigner de vous ces idées qui touchent à la folie. Les morts, une fois couchés dans leur tombeau, y dorment sans se relever jamais. Il n'en est point ainsi. Cette nuit, j'ai dormi d'un sommeil terrible, car je me voyais, en quelque sorte, dormir, comme si mon âme eût plané au-dessus de mon corps. Mes yeux, que je m'efforçais d'ouvrir, se refermaient malgré moi. Et cependant, mes yeux fermés, j'ai vu, dans cet angle, où il y a une porte qui donne dans le cabinet de toilette de Madame de Villefort, j'ai vu entrer sans bruit une forme blanche. C'était la fièvre qui vous agitait, madame. Une forme blanche. Et comme si Dieu eût craint que je ne récusasse le témoignage d'un seul de mes sens, j'ai entendu remuer mon verre. Celui-là, tenez, qui est sur la table, près de mon lit. C'était un rêve. C'était si peu un rêve que j'ai étendu la main vers la sonnette et qu'à ce geste, l'ombre a disparu. La femme de chambre est entrée alors avec une lumière. Les fantômes ne se montrent qu'à ceux qui doivent les voir. C'était l'âme de mon mari. Et si l'âme de mon mari revient pour m'appeler, pourquoi la mienne ne reviendrait-elle pas pour défendre ma petite fille ? Aussitôt que Monsieur d'Épinay sera arrivé, prévenez-moi. J'ai aussi envoyé chercher le notaire pour m'assurer que tout notre bien revient à Valentine. Oh, ma mère, ce n'est pas un notaire qu'il faut appeler, c'est un médecin. Un médecin ? Je ne souffre pas. J'ai soif. Voilà tout. Que buvez-vous, bonne maman ? Mon orangeade, comme toujours. Oh, mon verre est là, sur la table. Passez-le-moi. Oh, Maximilien. Madame la marquise, c'est le notaire qui est là. Qu'il entre. Va-t'en, Valentine. Laissez-nous, monsieur de Villefort. Ah, cher monsieur d'Avrigny, Je vous attendais avec impatience. C'est ma pauvre grand-mère qui est malade. Vous savez le malheur qui nous est arrivé, n'est-ce pas? Je ne sais rien, j'ai reçu votre billet, c'est tout. Hélas, mon pauvre grand-père est mort. Subitement? D'une apoplexie foudroyante. Et ma grand-mère est frappée de l'idée que son mari, qu'elle n'avait jamais quitté, l'appelle et qu'elle va aller le rejoindre. Et qu'éprouve-t-elle? Une excitation nerveuse singulière. Un sommeil agité et étrange. Elle prétendait tout à l'heure que pendant son sommeil, son âme planait au-dessus de son corps qu'elle regardait dormir. Elle dit avoir vu un fantôme dans sa chambre et entendu le bruit que faisait le fantôme en touchant à son verre. C'est singulier. Je ne savais pas Madame de Saint-Méran sujette à des hallucinations. Dès que le notaire descendra, vous pourrez monter. Moi, je n'ose pas. Elle m'avait défendu de vous envoyer chercher. Et puis, je suis moi-même si agitée et fiévreuse. Je vais faire un tour au jardin pour me remettre. Mademoiselle Valentine. Maximilien. Vous à cette heure? Oui, pauvre amie. Je viens chercher des nouvelles et en apporter de mauvaises. C'est dans la maison du malheur. Chère Valentine, tout ce que je vais vous dire est solennel. À quelle époque compte-t-on vous marier? Ma grand-mère, sur laquelle j'avais compté comme sur un appui, non seulement s'est déclarée pour ce mariage, mais encore le désire à tel point que le retour seul de M. d'Épinay le retarde. Le lendemain de son arrivée, le contrat sera signé. Hélas, M. d'Épinay est arrivé à Paris ce matin. J'étais chez le comte de Monte-Cristo, à qui je n'ai parlé de rien, rassurez-vous. Il y a une heure, nous causions de choses et d'autres. Tout à coup, la porte s'ouvre. Albert de Morcerf entre, suivi d'un autre jeune homme. Et le comte de s'écrier... Ah, monsieur le baron Franz d'Épinay. Oh, tout ce que j'ai de force et de courage dans le cœur, je l'ai appelé pour me contenir. 5 minutes plus tard, je suis sorti, anéanti. Pauvre Maximilien. Maintenant, Valentine, répondez-moi comme à un homme à qui votre réponse va donner la mort ou la vie. Que comptez-vous faire? Est-ce votre volonté de lutter contre la mauvaise fortune? Une lutte? Dites plutôt un sacrilège. Quoi? Je lutterai contre l'ordre de mon père? Contre le cœur de mon aïeule mourante? C'est impossible. Oui. Oui, vous avez raison. Comme vous dites cela? Je vous dis cela, Valentine, comme un homme qui vous admire. Oh oui, je vous admire, mademoiselle. Mademoiselle, mademoiselle. Oh, l'égoïste. Il me voit au désespoir et feint de ne pas me comprendre. Mais vous vous trompez. Vous ne voulez pas contrarier M. de Villefort. Vous ne voulez pas désobéir à la marquise de Saint-Méran et demain, vous signerez le contrat qui doit vous lier à votre mari. Mais mon Dieu, puis-je donc faire autrement? Oh, il ne faut pas en appeler à moi, car je suis un mauvais juge dans cette cause. Et mon égoïsme m'aveuglera. Que m'eussiez-vous donc proposé, si vous m'aviez trouvé disposé à accepter votre proposition? Eh bien, ce conseil... Le voici. Je suis assez riche pour nous deux. Je vous jure que vous serez ma femme avant que mes lèvres se soient posées sur votre front. Maximilien, vous me faites trembler. Suivez-moi. Vous suivez? Oui. Je vous conduis chez ma sœur qui est digne d'être votre sœur. Nous partons pour l'Angleterre, pour l'Amérique, ou en province si vous préférez. Et nous attendrons que nos amis aient vaincu la résistance de votre famille. C'est un conseil insensé. Oui, oui. Oui, vous avez raison. Vous voyez bien. Et demain, vous serez irrévocablement promise à M. Franz d'Épinay. Maximilien, vous me désespérez. Valentine, je vous connais depuis 1 an. Un jour, vous m'avez dit que vous m'aimiez. Je l'ai dit, et c'est vrai. Eh bien, de ce jour, j'ai mis toutes mes chances d'avenir sur votre possession. J'avais cru gagner le ciel et je l'ai perdu. Je vous souhaite une vie assez calme, assez heureuse et assez remplie pour qu'il n'y ait pas de place pour mon souvenir. Adieu, Valentine. Où allez-vous? Qu'allez-vous faire? Bon, soyez tranquille, je ne m'en prendrai point à M. Franz d'Épinay. C'est moi le coupable, n'est-ce pas? Alors... Maximilien, venez ici, je le veux. Vous me manquez, ma vie est perdue. Du moment où vous vous éloignez de moi, je reste seul au monde. Alors voilà ce que je ferai. J'attendrai jusqu'à la dernière seconde que vous soyez mariés. Car je ne veux pas perdre l'ombre d'une de ces chances inattendues que nous garde quelquefois le hasard. Et quand mon malheur sera certain, alors j'écrirai une lettre confidentielle à mon beau-frère, une autre au préfet de police pour lui donner avis de mon dessein. Et je me ferai sauter la cervelle. Oh, par pitié. Vous vivrez, n'est-ce pas? Non, Valentine. Non. Sur mon honneur. Mais que vous importe? Vous aurez fait votre devoir et votre conscience vous restera. Maximilien. Mon ami. Mon frère sur la terre. Ou véritable époux dans le ciel. Je t'en prie. Fais comme moi. Vis avec la souffrance. Un jour, peut-être, nous serons réunis. Adieu, Valentine. Mon Dieu, vous le voyez, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour rester une fille obéissante. J'ai supplié, imploré. Il n'a écouté ni mes prières, ni mes supplications, ni mes pleurs. Eh bien, je ne veux pas mourir de remords. J'aime mieux mourir de honte. Vous vivrez, Maximilien. Je ne serai à personne qu'à vous. À quelle heure? À quel moment? Est-ce tout de suite? Parlez, ordonnez. Je suis prête. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 25e épisode, Étrange retrouvaille. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Mercedes, Martine Sarcet. Albert de Morcerf, Richard Leduc. Gérard de Villefort, André Oumanski. Danglars, Alain Mottet. Maximilien Morel, Pierre Arditi. Valentine de Villefort, Marie-Hélène Breillat. Docteur Davrigny, Pierre Olivier. Marquise de Saint-Méran, Anne Fabien. Pasquier, René Lafleur. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 14 novembre 1980. Vous pouvez le télécharger ainsi que les précédents sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Lundi, à la même heure, la suite. Et en cas d'urgence, de grande impatience, vous pouvez d'ici là relire le roman.